la la la la. Oh, eh, oh, eh. Let's go. ngae dikambungetela tokokenete lo tokolalawa babo mabiso ya mokolo ayokasango babo mayungo ya ibwake ayokasango. Oye, Emani, pensame, amo, te amo.

yoka, yoka, na zembeli yo. Yeah. Ndondolo Ajena Post Nini Nini Ango Alokotel Ndondolo Ajena Post Bongo Sara Mutemba Alokotel Ndondolo Ajena Post Deux fois quand tu me prends amour, je me perds dans les rêves. Me voici entre le bras de celle que j'aime. D'où la vie est heureuse lorsqu'on se sent aimé. Oh la vie, Beawanye, Mukajiwanye. Patrick Saint-Clavel, Kilimanjaro, Africa numéro 1, Libreville. Ibrahim Nimaga, l'homme de Bamako. Un salut tout droit du Zaïre. Yeah. Polaris, coucou à notre Mister X. La chronique pour Stéphane de Papomissi, et pour Igoli à Pambo Papa. Mon qui est mon Ivelin à la tombe à Mimi. Y'a Kayo Mouna, y'a Bolibo. Mimi, n'a pas qu'à moi. Dis-moi pourquoi t'es parti sans eau. Rendez-vous à kilomètre 5. Oh, petit coco. Ziza de Bambou, sous quelle ambiance? Comme na sai fora di O tempo o yo na sala ki una na lunda nord na costa na terre e ti calie le bona monte mananga la puta ni ne lenge mo bali moko combo fenomene o muzu pa ki fine na me ka ki zo to eso ki na po mala dio ka ti sa mai El hombre propone pero Dios dispone. A vida é uma luta. Mamá Inês, eh? Oh, Dio, Dio, oh, minha vida, é pacalunda, é comina saifoa. Oh, Dio, Dio, oh, minha vida, muito a cortar na terre encourageux. Donc, il y a quand même un chamou poilé. Baya mingana mate iseo. Papa chamou, qu'est-ce que ça l'a commis à la malade? Oh, Kamashiru, Fernando, Pekan Foufou. Oh, Dio, Dio. Ah, maman. Oh, yeah, oh, yeah, Zaki. Oh, yeah, Dio, Dio. André Mango, Nalini la zonga kini, Salisangana koma nabi nangwa kaye. Odel Makoya, ya mama Aida, Nalobanini barema, Salama yele Jamaika. Odio, Dio, Omiya Vida, Epa Kalunda, Epa Misa Ipora. Odio, Dio, Omiya Vida, Epa Kalunda, Pongo, et pas que comme ma tata, ma viva vadio, je caramba kumangana kini, ou dialamu ma boula kobomba nambu, taouda te yo ma samba, salama yere lola moana, tato mala, oye oye oye, tato tato guille, aya jambo. Amadou de Maïmouna, l'homme de Dakar, rendez-vous dans Studio 2000. Yeah. Ale ya. Paluka, paluka, paluka, paluka, paluka, paluka, paluka, paluka. Sabadie ye. Bilobi sala. Ya yo ko ya yo. Bilobi sala. Sabadie ye. Bilobi sala. Mer malu premiere. Bilobi sala. Oh, yeah. Massi Domingo, Zira Youssouf. Voici un cadeau signé 20 ans de carrière de son excellence Dindo Yogo, la voix cassée du Zaïre. Afrique étoile, Nabidjan, hein? Oh, ambiance à très chérie. Laetitia, moi qu'à me plaindre, oh Rachidi de Lagos, PDG Nicolas Elota, ramenez-moi cette fée à la peau douce satinée. Amour. C'est pour toi, oh ma biche, que je chante cette mélodie d'amour, rien de plus beau que d'être à deux. Cette nuit, ma colombe, oh que je pleure, me souvenant de tes lèvres au goût de miel, mon amour. Le beau jour de ma vie, c'est lorsqu'on s'est rencontrés. Comblé d'amour, oh ma biche, ton absence me fait rêver, ton absence me chagrine, je ne m'attendais pas du tout, reviens à moi, oh que je t'aime. Ma biche, ma belle désir, fille du soleil, viens me réchauffer. Moi qu'a pleuré de vous.